Chapitre 37e. En continuant ses perquisitions, le docteur Jebb s'aperçut que plusieurs briques avaient été décellées. En remettant dans sa poche la clé de sa cave dévalisée, il se souvint de l'homme qui ferme l'écurie quand les chevaux en sont dehors. Après quelques instants de réflexion, il n'avait plus de doute sur celui qui avait pris son bain. La sellerie et la cave étaient murs mitoyens. Le méfait, perpétré à la faveur de l'obscurité, devait être le fait du fameux Tinkley, lui seul étant capable de pénétrer dans ce recoin. En remontant de la cave, M. Jebb trouva en effet le coupable dans sa retraite favorite, exhalant une forte odeur de whisky. « Misérable ! » s'écria le docteur indigné. « Que sont devenues les 7 bouteilles que je ne retrouve plus ? Sortez d'ici immédiatement ou je vous fais arrêter !» Tinkley essaya d'abord de nier le fait, mais M. Jebb, le prenant par les épaules, le poussa vers la porte. Au moment d'en franchir le seuil, il se débarrassa violemment de l'étreinte du docteur et s'écria en le menaçant du poing « Soyez sûr que je ne regrette pas votre méchante maison. Il ne tiendra qu'à moi d'entrer tout de suite chez Sir Everard. Quand on sait ce que je sais, il n'y a pas à craindre qu'il me refuse. « Sortez, vous dis-je, » lui cria de nouveau Jebb, d'une voix forte. « Sortez, misérable, vagabond, démolisseur de maison !» Dès que Tinkley eut évacué la place, en portant armes et bagages, le docteur retourna à la cave. Il rencontra Jeanne, qui lui apportait une toque de loutre. « Madame s'inquiète de monsieur, » dit-elle, et elle le supplie de remonter. « Au diable sur mon rhume, c'est bien de cela qu'il s'agit. Ce que je veux avant tout, c'est un maçon. » « Un maçon ?»« Oui, j'en ai besoin pour faire relever les briques qu'un malfaiteur a décellées. Courez vite au village, cherchez un ouvrier et des briques. » Jeanne ne suit pas répéter cet ordre péremptoire, et sans prendre le temps de monter chercher un chapeau, quoiqu'il plût à verse, elle quitta la maison pour aller exécuter les ordres de son maître. Le domestique congédié était resté appuyé contre la haie du jardin, donnant sur la route, les yeux fixés sur le sol, l'air accablé. Jeanne devait forcément passer devant lui, de sorte que si M. Jebb l'eût surveillé, ce qu'il ne fit pas, il eût pu, s'il l'eût vu abordant le malfaiteur, la prendre pour sa complice. « J'ai besoin de causer avec vous pendant quelques minutes, » dit-elle. « Trouvez-vous ce soir à 7 heures dans le sentier derrière la maison. » « Vous vous êtes toujours montré bonne camarade, » répondit Tinkley en exhalant une forte odeur d'alcool. « J'ai confiance que vous ne voudrez pas me faire tort. Je serai exact au rendez-vous. D'ici là, j'irai faire un somme dans la meule du fermier. » La pluie cessa à la chute du jour. Le temps était clair et étoilé. Madame Barnard prétexta un achat de mercerie et sortit après dîner, arrivant exactement à l'heure et au lieu indiqué. Tinkley l'attendait sur le chemin entre la maison du docteur et la ferme de Hatzell. « Eh bien, » dit-il, « savez-vous que par le temps qu'il fait, ce n'est pas gai d'avoir la perspective de coucher à la belle étoile ?»« Si un demi-souverain peut vous être utile, » riposta vivement Jeanne, « je vous l'offre de grand cœur. Et moi, je l'accepte de même. Si vous voulez bien me dire une chose qu'il m'importe énormément de savoir, je vous donnerai le souverain tout entier. » « Quelle duchesse, peste !» s'écria Tinkley en serrant dans le coin de sa bouche une pipe dont il tirait d'énormes bouffées de fumée qui tournoyaient dans l'espace. « Tantôt, quand vous avez quitté le docteur, vous parliez de Sir Everard Courtenay comme si quelque point mystérieux de son passé vous était connu, » dit-elle d'une voix lente et grave. Le vent s'est élevé depuis que la pluie avait cessé. Le bruissement des feuilles des grands arbres empêcha Jeanne Barnard et son compagnon d'entendre les pas de quelqu'un qui longeait la haie du jardin, et bien touffue et toujours verte, impénétrable au regard des curieux. Le passant s'arrêta juste en face de l'endroit où Tinkley et Jeanne tenaient leur colloque. « Non, non, » reprit son interlocuteur d'un ton bourreux, « je ne vous dirai rien de ce que je sais. 25 francs la belle affaire, 40 même ne me déciderait peut-être pas, car je n'en puis tirer bien d'autre du baronnet lui-même. Ah, c'est facile à dire, autrement, eh bien quoi ? Il y avait des années que vous les lui auriez extorqué s'il en était ainsi. « Que voulez-vous dire par là ? » répliqua-t-il d'un ton brusque. « Que ce que vous pouvez savoir sur Sir Courtenay remonte à 20 ans, du mois d'octobre dernier ?» Tinkley tressaillit en fronçant ses sourcils en broussailles. « Oui, » reprit-elle, « vous n'êtes pas homme à négliger pareille chance. »« Vous n'avez peut-être pas tort, » dit-il. « Je suis devenu presque aussi inconscient que Humphrey Bargas lui-même. » « Je n'ai certes aucune envie de me passer la corde au cou, mais si je pouvais la passer autour du long cou de l'autre, je risquerais volontiers le bagne pour atteindre ce but. »« Si vous prenez ce parti, » lui dit Jeanne en lui serrant convulsivement la main, « je vous aiderai de toute ma force. Faut-il vous dire qui je suis ? Eh bien oui, je vous le dirai, car ce sera pour moi un moyen de vous inspirer confiance dans mes paroles. Sachez que Humphrey Vargas est mon père. Je suis venu d'Amérique en Angleterre pour prouver que ce n'est pas lui qui a commis ce meurtre. Je veux faire disparaître la tache qui souille injustement son nom. Je ne veux pas que l'on puisse jeter à la tête de mes enfants qu'ils sont les rejetons d'un assassin. Je veux découvrir le vrai coupable. Je le veux. Dussé-je mourir sur la brèche ? Oh oh ! S'écria le vagabond. Vous avez l'air de parler pour tout de bon. Alors, venons au fait. Dites-moi franchement, en admettant qu'il me convainc d'aller au banc des témoins et de révéler ce que je sais, ce que vous me donneriez pour risquer le paquet ? Si votre témoignage réussit à prouver l'innocence de mon père, je vous donne 2 500 francs. Mon mari est un petit commerçant qui ne gagne pas des 100 et des 1 000. Malgré toute notre bonne volonté, nous ne pourrions prélever plus sur nos modestes ressources. Quelle garantie me donnerez-vous ? Votre mari est en Amérique et je pourrais bien en être pour mes frais. Après avoir réfléchi quelques instants, Jeanne Barnard reprit. Si M. Blake consentait à être mon répondant, pourriez-vous m'en croire ? Parfaitement. S'il s'engage à me remettre 2 500 francs le jour où je donnerai mon témoignage contre Sir Everard, je ferai ce que vous désirez, quel qu'en soit le résultat, car il est certaine chose que l'on pourra certes relever contre moi, si l'on a bonne mémoire. Une fois les 2 500 francs en ma possession, je décamperai du pays. J'extorquerai bien encore d'ici là quelques banknotes à Sir Everard. J'essaierai de voir M. Morton Blake demain, et si réellement votre témoignage est de quelque valeur... De quelque valeur ? S'écria Tinkley sur un ton de fiévreuse surexcitation. Mais mon témoignage peut prouver que la nuit du meurtre, Sir Everard, qui n'était pas de chasseur fanatique, ne revint à la maison que vers 9 heures du soir. Le renard avait été tué à 5 heures environ, à 6 000 de Hawthorpe. Sir Everard rentra dans l'écurie couvert de boue, son cheval éreinté, fourbu. Je n'avais jamais vu encore ni cavalier ni monture en pareil état depuis que j'étais second groom à Fairview. Vous étiez à cette époque au service de Sir Everard ? Voilà comment j'ai su tout ce que je sais. J'étais de planton dans la cour ce jour-là, attendant le retour de Sir Everard pour prendre son cheval. Le groom en chef était allé à Highlair chercher un médecin pour madame qui se mourait. Lorsque Sir Everard me jeta la bride, je fus frappé du bouleversement de ses traits. Je m'aperçus qu'il avait perdu un de ses étriers. « Il y a de bien mauvaises nouvelles à la maison, » lui dis-je, sans rien ajouter. Sa pâleur me faisait présumer qu'il savait déjà que sa femme était aux portes du tombeau. Une heure après, le docteur arrivait dans la voiture de Sir Everard. Il lui avait fallu passer devant l'endroit où le cadavre de M. Blake avait été trouvé gisant au fond d'un fossé. Le master groom avait-il remarqué quelque chose d'étrange dans la physionomie et dans les allures de Sir Everard ? Je ne saurais rien vous dire. La nouvelle que madame se mourait, nouvelle qui s'était répandue dans le château comme une traînée de poudre, y causait une telle stupeur qu'on était incapable de parler d'autre chose. À minuit, tout était fini. Le glas funèbre qui venait d'annoncer la mort de M. Blake avait à peine cessé de résonner que les cloches recommencèrent sur nouveau frais leur triste plainte en l'honneur de la pauvre Lady Courtenay. « Avez-vous vu Sir Everard Courtenay le lendemain de ce fatal jour ?»« Non, car il resta enfermé dans la chambre de sa femme jusqu'au moment des obsèques. Mais la curiosité me conduisit à l'endroit où le crime avait été commis. Jacques, le master groom, m'avait dit que c'était près du grand chêne, au bord du fossé, que je verrais l'empreinte des pas de ceux qui avaient enlevé le corps de la victime. Arrivé là, je me livrai à un examen sérieux des lieux, regardant tour à tour les eaux fétides, la haie saccagée et les empreintes encore visibles, malgré la légère gelée du matin. Le souvenir du visage blême et défait de Sir Everard Courtenay me poursuivait comme un fantôme. Je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi il était rentré si tard le jour de la chasse et comment lui, un cavalier si émérite, avait pu surmener son cheval avec une pareille brutalité. Tout en fumant ma pipe, je m'adressais ces questions, sans y trouver de solution, lorsque tout à coup, j'aperçus quelque chose de brillant dans les ronces de la haie, juste au-dessus de la brèche. C'était par cette ouverture que le cheval avait pu passer de la route dans le champ. Que cela pouvait-il bien être ? Probablement quelque menu objet que, dans sa précipitation, l'assassin avait laissé tomber, un porte-crayon ou un sifflet d'argent. D'un bond, je sautai de l'autre côté de la mare et je gravis le talus. Écartant les broussailles, je parvins à saisir un étrier avec ses boucles pendantes accrochées à une branche et comme arraché de force au moment où le cheval avait pris son élan à travers la haie. Je connaissais bien les étriers de Sir Everard. Je vis tout de suite que c'était le pareil de celui qu'il avait perdu. Je le serrai dans ma poche et je sautais sur la route juste au moment où le constable arrivait pour faire les constatations. Je ne dis rien de ma trouvaille, mais je n'en savais pas moins d'où serait rare d'arriver en rentrant chez lui la veille, le visage exsangue comme un spectre et le vêtement couvert de boue. Et vous n'en avez jamais rien dit? Quel profit en aurais-je tiré? Faire pendre ce Rêvrard sans aucun bénéfice pour moi? Ce n'était pas ce que je voulais. Mon plan était de me taire et de faire payer cher, fort cher, horriblement cher, mon silence à ce Rêvrard. Alors pourquoi ne n'avez-vous rien fait depuis 20 ans? C'est mon affaire. Mais comme la pluie tombe toujours sur le mouillé, au lieu d'avoir ce Rêvrard sous ma coupe, c'est moi qui restais sous la sienne. Une fois la dépense des écuries dépassant toute mesure, ce Rêvrard voulut se rendre compte de ce coulage inexplicable. Un vol manifeste ayant été constaté, je n'eus qu'à déguerpir. Je restais sans place, sans certificat, avec l'étrier pour tout bien. Comme ce n'était pas le moment de faire blanc de mon épée, et que j'étais d'ailleurs fort insouciant, je partis pour le comté de Leicester, où je trouvais à me placer comme groom dans une écurie de chasse. Je savais soigner les chevaux, j'étais garçon, qu'exiger de plus? On me demanda cependant de produire un certificat, mais je répondis au master groom de Lord Belchief qu'ayant une querelle avec mon maître, j'étais parti par un coup de tête, sans rien réclamer. Pendant 2 ans, ma vie fut assez agréable. Je retombais toujours comme un chat sur les pattes. Puis la girouette tourna, tout alla à la dérive, jusqu'au jour où votre maître me trouva palefrenier dans une auberge, gagnant à peine de quoi ne pas mourir de faim et de soif. Pourquoi ne pas vous être adressé à ce Rêvrard? C'est ce que j'ai fait maintes et maintes fois. Pendant un certain temps, il m'envoyait de l'argent comme on jette un os à un chien sans maudire. Plus tard, il me fit écrire par son valet de chambre qu'il était surchargé de demandes et qu'il ne comptait plus rien faire pour moi. Je me le tins pour dit, jusqu'à un certain jour où je parvins à me trouver sur son chemin. Il sortait de l'hôtel de ville de Highley, où l'on venait de procéder à une élection municipale. Il avait grand air, portait la tête haute et marchait avec dignité. Je le suivis jusqu'au moment où, trouvant un endroit assez solitaire, je l'abordai en faisant de nouveau appel à sa générosité. Au lieu de me répondre poliment, il m'attrapa par le collet et me secoua si rudement que je perdis complètement mes aplombs. Il m'avertit que c'était ainsi qu'il me traiterait toutes les fois que j'aurais l'imprudence de lui adresser la parole, et surtout de faire allusion à des faits qu'il tenait pour d'odieux et exécrables mensonges. « Quand on n'a pas de preuves, ajouta-t-il, il faut prendre son parti de se taire et renoncer à d'aussi infâmes machinations. » En disant ces mots, il s'éloigna, fier et superbe, tandis que je pouvais à peine me traîner. « Assigne-le pour voie de fait, » me dit le constable. « Mais où trouver des preuves, des témoins? Ce sont toujours les battus qui payent l'amende. Ce ne serait qu'un coup d'épée dans l'eau, et il faut attendre encore. Tout finit par arriver ici-bas, même l'heure de la vengeance. » À ce moment, l'horloge de la paroisse sonna un coup. « Il faut que je rentre sans plus tarder, » dit Jeanne. Puis elle prit quelques pièces de monnaie dans sa poche et les donna à son interlocuteur. « 100 sous seulement pour vous avoir attendu si longtemps, » dit-il d'une voix rauque. « Vous m'aviez promis un louis. C'est plus qu'il n'en faut pour souper, coucher et déjeuner. Si vous aviez plus d'argent, vous vous griseriez certainement, et j'ai encore à causer avec vous demain. Je vous attendrai à 3 heures devant la grille du château de Tingley. J'aurai eu le temps, j'espère, de voir M. Blake et de savoir de lui ce que nous devons faire. Rappelez-vous que demain, c'est 25 francs que j'entends recevoir pour me rendre à votre appel. Eh bien, vous les aurez. Bonsoir, Tingley. » Jeanne rentra à la maison d'un bon pas et ouvrit la porte du laboratoire de M. Jebb, qui était à la fois docteur et pharmacien. La lampe se trouvait bien sur la console de marbre où M. Jebb préparait ses médicaments, mais la pièce était vide.